Les eaux muettes par Octave Mirbeau à messieurs Amédée et Émile de l'Écluse, Trévoédal. Le voyage de M. Renan dans sa chère Bretagne a remué en moi tout un monde de souvenirs et d'impressions, et je revois pour ainsi dire jour par jour les 8 mois que l'année dernière je passais en un des coins les plus sauvages du Finistère sur cette grève horrible et charmante de la baie d'Audierne qui va des gouffres noirs de la pointe du Raz aux rochers homicides de Pinmar. La jolie petite ville d'Audierne est là, devant mes yeux, et tous les détails de sa vie pittoresque surgissent un à un et passent devant moi comme les goélands qui tournoient au-dessus de l'eau bleue de son port. Sur le quai, les maisons blanches s'alignent, coupées de jardins et de chantiers bien abrités des vents de suroît par le coteau où poussent quelques pins maritimes et des chênes verts. Les chaloupes de pêche, pressées les unes contre les autres, font sécher leurs voiles couleur de rouille qui claquent dans le vent, ou bien leurs filets étendus d'un mât à l'autre, ces longs filets qui quadrillent le ciel de mailles roses. Une goélette, à la svelte mature, au bordage peint en vert, débarque du charbon que des ouvriers empilent dans leurs petites charrettes attelées de bœufs enchemisés de lin gris. Près de la marine, 2 douaniers causent avec les pêcheurs. D'autres pêcheurs entrent dans les débits de boissons. Et sur son banc majestueusement assis, Batifoulier, l'hôtelier fameux à plus de 50 lieues à la ronde, Batifoulier, qu'illustra Bertal et que portraitura Guy de Maupassant, fume sa pipe, les mains appuyées sur ses genoux, et surveille le père Provost qui radoupe son canot sur la cale. Des escouades de petites ouvrières, en béguin aplati, en fichu clair, se rendent aux usines, laissant derrière elles les odeurs rances de poissons. Des vieilles tricotent et font les 100 pas en causant, tandis que des paysans du cap, à la veste courte, aux braies flottantes, aux longs cheveux qui pleurent sous le chapeau de feutre, amènent un chargement d'orge que doit fréter un lougre de Paimpol. Là-bas, sous les arbres de la place, des anciens se chauffent au soleil, et des femmes raccommodent des filets. Et les mouettes passent, s'élèvent, plongent, rasent l'eau qu'elles battent de leurs ailes, emplissent l'air de leurs cris, ou bien se laissent mollement bercer par le flot qui monte. Des canots que des mousses conduisent à la godille traversent le port et vont s'amarrer à l'estacade de Poulgoazec, qui sur l'autre rive échelonne gaiement ses maisons de pêcheurs, ses usines de sardines et sa petite église en ruine dont le clocher menace de s'écrouler. Derrière le pont qui relie la route de Plozévette au village d'Audierne, du haut d'un coteau fermant l'horizon, l'hospitalier château de Loqueyran mire sa belle façade dans la rivière de Pont-Croix, large ainsi que le Danube, et qui bientôt se perd au tournant des rochers entre les rives hérissées de sapins noirs et de landes mélancoliques. Voilà que les marins dévalent des venelles tortueuses qui aboutissent au quai, et chacun se rend à son bateau. Pendant que le petit mousse pompe, on dévide les filets qu'on empile au fond de la cale, en regardant de temps en temps le ciel où courent des nuages chassés par le vent de suroît. Puis les voiles sont hissées, on amène les amarres et les bateaux lentement s'éloignent un par un au bruit rythmique des avirons qui luttent contre le courant de la marée montante. La brise souffle plus fort, le ciel se trie de nuages plus sombres, l'eau dans le port clapote furieusement et les goélands volent bas, en poussant de petits cris auxquels répond du seuil d'un cabaret la chanson d'un ivrogne. Hélas, demain, on entendra peut-être résonner lugubrement la corne du bateau de sauvetage. Quels sont parmi ces pauvres gens qui ne reviendront pas et qu'on retrouvera à la pointe Saint-Évêque, les membres raidis, le ventre ballonné et la tête fracassée par la vague contre les rochers. J'avais un chien qu'un de ses propriétaires surnomma Canard. Je l'achetai d'un paysan qui le tenait d'un matelot, qui le vola en Norvège. C'était un énorme et magnifique barbet, aux poils roux, à la démarche auguste, aux muscles puissants. Il portait une épaisse crinière d'or chauve, et ses yeux jaunes, terribles et doux, étaient pareils à ceux des lions. Jamais je ne vis un chien aussi populaire. Du plus loin qu'on l'apercevait, on se mettait aux portes et on disait « Voilà Canard !» comme on eût dit « Voilà l'empereur !» Et lui, passant au milieu de son peuple, calme et bon, souriait aux enfants, donnait aux marins un amical bonjour de la patte, obligeait les chiens à le respecter, à le saluer, à le craindre. En revanche, il se montrait galant envers les chiennes qui, depuis qu'elles le connaissaient, n'eussent pas souffert qu'un autre chien les vînt flairer de trop près. Canard avait compris, il comprenait toutes choses, que lorsqu'on s'installe dans un pays, il est nécessaire, par des exemples qui restent, d'y établir tout d'abord son autorité afin d'imposer silence aux médisances et tenir en respect les lâchetés. Depuis longtemps, un chien, une sorte de dogue hargneux, laid, méchant, redouté des enfants et des bêtes, régnait sans partage dans Audierne. Celui-ci accueillit froidement Canard et sa froideur ne tarda pas à se changer en une hostilité déclarée. Canard le dédaignait, et quand cet ennemi, montrant l'écrou, le poil hérissé, venait lui proposer le combat, il haussait les épaules d'un air de pitié. Évidemment, Canard avait décidé de tuer le dogue par le ridicule qui est, il faut bien le croire, une arme aussi terrible aux pattes des chiens qu'aux mains des hommes. Un jour de marché, le dogue s'approcha de Canard d'un ton si menaçant que celui-ci, d'un seul coup de patte, culbuta le dogue qui s'enlisa dans une mare de mortier et si malheureusement qu'on eut toutes les peines du monde à l'en retirer. Vous pensez si le tour fut trouvé plaisant. Peu s'en fallut que paysans et marins ne portassent Canard en triomphe. Le lendemain, le dogue, si honteux la veille, avait repris courage. Il s'approcha de Canard bien résolu à se cruellement venger cette fois. Mais Canard ne l'entendait pas ainsi. Il avait son idée. Il fit d'abord semblant de fuir devant son piteux adversaire, qui l'attira de cette façon sur le quai. Par d'habiles manœuvres stratégiques, il l'obligea à se placer sur la bordure du quai très élevée à cet endroit, au-dessus de l'eau, et sans se déranger, froidement, ironiquement, d'un simple mouvement d'épaule, il le jeta dans le port. Ce furent des acclamations pour Canard et des risées pour le pauvre dogue qui, nageant fort mal, manqua de se noyer. Il s'enfuit, poursuivi par les sifflets et les pierres, mouillé, la tête basse, la queue entre les jambes, et ne revint plus. Canard n'avait pas son pareil pour la pêche. Dans nos courses, le long du Goyenne, souvent il s'arrêtait près d'une touffe d'aulne. Son œil devenait plus luisant, tout son corps frémissait et il agitait frénétiquement le panache superbe de sa queue. Eh bien, Canard ! D'un bond, il s'élançait dans la rivière, disparaissait. L'eau soulevée au-dessus de lui bouillonnait, marquant par les remous la direction de sa chasse sous-marine. Et après quelques minutes, il reparaissait, tenant fièrement dans sa gueule un radeau ou une truite. Pauvre Canard, te souviens-tu de tout cela? Te souviens-tu que tu avais exigé de me servir de valet de chambre? Moi, je n'avais pas voulu, tu le sais, ayant le respect des chiens. Et puis, je t'aimais comme un frère. Mais tu avais dit, je veux. Comme tu m'as soigné, bercé, consolé. Quel serviteur attentif, ingénieux, désintéressé et fier tu as été. Te souviens-tu aussi de nos longues marches sur les grèves sauvages, de nos glissades sur les rochers que tapissent le goémon et le pousse-pied, où la triste anémone fleurit au fond des flaques, d'où s'élèvent les bandes effarées des avrios et des alouettes? Te souviens-tu de nos promenades par le vent, par la pluie glacée, par la tempête sonore, à travers les landes désolées, hantées des corbeaux et des choucas au bec jaune? Revois-tu encore, à l'extrémité du môle, les récifs du corbeau et de la gamelle, secoués comme des crinières gigantesques, l'écume colère des brisants? Et ton œil pensif, pauvre chien, suit-il toujours le vol des bernaches et les barques de pêche qui s'effacent là-bas, au lointain mystérieux du large? Quelle belle chose la mer te disait-elle donc, pour la regarder et l'écouter ainsi? Quelle nostalgie de poète t'apportait-elle pour que je t'aie vu pleurer de vraies larmes, des larmes de chien? Et puis, un beau jour, tu es parti. C'est qu'il le fallait, n'est-ce pas? La veille du jour où tu m'as quitté, nous avions rencontré un vieil aveugle. On lui avait volé son chien. Avec quel désespoir il nous racontait son malheur. Il se guidait péniblement avec son bâton. Je lui donnais quelques sous et toi, tu lui léchas la main. N'es-tu point allé le retrouver et ne te verrai-je pas, un jour, près de lui, assis sur ton derrière, demandant la charité, une sébile aux dents? Maintenant le cotre file sur une mer calme que frise pourtant un léger vent de sud-est et qui, là-bas, vers la terre, blanchit les rochers de ses vagues écumeuses. Au-dessus de nous, le ciel est bleu, d'un bleu ardent et pâle. Le soleil tombe d'aplomb sur l'eau, où dansent mille lumières aveuglantes. La côte n'apparaît que comme un trait sinueux d'ombre violette, barré par la flèche à peine visible et grise d'un clocher de village, et plus loin par un sapin isolé, si effacé et si flou qu'on le prendrait pour de la fumée s'élevant d'un toit. Et les goélands volent très haut, décrivant en l'air de larges courbes d'un dessin délicieux, et les cormorans, tout noirs, rasant les flots, se hâtent vers quelque retraite inconnue. Dans le fond de la baie, des chaloupes, leurs voilures amenées, pêchent la sardine. On dirait de petites taches d'encre tombées, on ne sait comment, sur cette immense page blanche de l'océan. Et nous filons, grand largue, de temps en temps rafraîchis par les embruns qui viennent nous fouetter le visage, pluie bienfaisante. Penwatt, mon matelot, surveille l'écoute de Brigantine, et lentement, sans mot dire, faisant toutes les minutes gicler un jet de salive brune de sa bouche gonflée par la chique, dévide des paquets de lignes, tandis que l'omic, le mousse, penché sur le bordage, essaie d'accrocher avec la gaffe les bouées des casiers que nous rencontrons, ou bien s'amuse à regarder les gottes qui apparaissent soudain à la surface, s'ébattent, secouent leurs ailes et plongent pour reparaître plus loin. Moi, je suis à la barre, les yeux et l'esprit perdus dans cette immensité qui nous entoure. Le cœur apaisé par ce silence que berce la molle lamentation des flots, si loin des luttes et des douleurs humaines, si loin de la haine qui est au fond de toute la vie. Et la nuit vient, une nuit tranquille, sereine et magnifique, une nuit qui laisse traîner dans son ombre transparente des lueurs empourprées. Pareille à une femme qui reçoit l'époux, la mer s'est parée de caresses plus douces, et le ciel a revêtu ses colliers de perles et de diamants sur sa robe tissée de vapeurs bleues. Le bateau s'avance dans un bouillonnement de feu, traçant derrière lui une route de lumière qu'on dirait faite avec de la poussière d'étoiles. Nous sommes arrivés au mouillage, où nous devons prendre tant de poissons. Tous les trois, la manœuvre achevée, nous nous asseyons autour de la marmite qui boue et fume et nous apporte aux narines l'odeur exquise d'une soupe au congre préparée par le vieux Penwatt. Le vent est tombé, pas un souffle dans l'air, la mer reste immobile, à peine si notre barque a ce balancement en dormeur d'un berceau d'enfant qu'une nourrice doucement bercerait. Quoique nous soyons mouillés loin de la côte, des bruits nous arrivent, légers et extraordinairement distincts. C'est le pas d'un paysan attardé et qui rentre à sa chaumière. C'est la marche plus rapide d'un douanier le long de la sente rocailleuse de la falaise. C'est le cri si plaintif des courlis dans les rochers que découvre la marée descendante. Puis, vers le large, à droite, à gauche, partout, on entend très assourdi des voix qui causent, d'autres qui chantent, d'autres qui semblent pleurer, des voix qui viennent, portées par le calme de la nuit, des profondeurs invisibles de l'océan. Accoudés au bordage, la ligne en main, j'écoute ces voix et je regarde toutes ces choses vagues et si belles des nuits passées en mer, et qui, sans qu'on sache pourquoi, vous coule dans l'âme une émotion si poignante. Penwatt écrase des araignées de mer et des crabes dont il jette de temps en temps par-dessus bord les débris pour attirer le poisson. Les lignes enfoncent dans l'eau, presque jusqu'au fond de l'eau, une raie de lumière vive, et chaque fois que nous les remuons ou que nous les déplaçons, tout le long des cordes minces, des gouttes de feu et des paillettes d'or se détachent et vont se perdant et s'éteignant peu à peu dans le gouffre noir. Autour de nous, des marsouins bondissent, cabriolent, soufflent, se poursuivent, montrent parfois leurs dos énormes et agiles, pareils à des petits cuirassés. Tout à coup, je ressens à la main comme une forte secousse et ma ligne se raidit, se tend et semble emporter. « Attention, c'est un gros congre !» me dit Penwatt. Et nous voilà tous les deux, luttant avec le monstre qui résiste et de ses formidables coups de queue nous brise les poignets. Enfin apparaissent dans un véritable bain de phosphore sa queue plate et son ventre argenté. La lune se lève, la mer est toute blanche et sous la voile drapée en forme de tente, je m'endors, délicieusement bercée par la mer qui me chante tout bas une chanson naïve et si douce comme celle que ma mère me chantait, enfant, au berceau. Que de fois n'ai-je point fait cette route que fera M. Renan, cette route impressionnante du Cap, qui va d'Audierne à la pointe du Raz. À droite, ce sont les champs que séparent non point des haies, mais des murs de galets, ou de grandes pierres granitiques. On dirait d'une ville détruite dont il ne reste que des parcelles de murailles. Pas d'arbres dans ces champs plantés de choux ou de pommes de terre. Seulement de distance en distance, des bouquets de pins grêles et tristes, des moulins à vent dont les grandes ailes tournent et des croix de pierre dont les grands bras portent des images de saints camards et de vierges naïves. À gauche, par-delà une large bande de terre, la mer s'étend et semble monter dans le ciel, avec lequel parfois elle se confond en un poudroiement de nacre rose. Voici Saint-Huguen et sa belle église. Saint-Huguen, célèbre par son pardon, où l'on vend des clés bénites qui guérissent de la rage. Et la route continue, se rapprochant de la mer. Le vent du large vous apporte des grondements sourds et des senteurs salées. On distingue sur la surface tranquille de ce bel océan des quantités de petites voiles grises et des bateaux au mouillage, et puis là-bas, très loin, un paquebot, très effacé, et qui laisse sur le ciel des taches fines de fumée. Nous passons au Flore, petit hameau de pêcheurs, d'une pauvreté navrante. La mer brusquement s'avance jusqu'à la route qu'au jour des grandes marées, elle défonce, culbute et encombre de galets. Resserrée à cet endroit entre de hautes falaises, elle est toujours furieuse, s'acharne contre les galets, bouillonne, se tord et retombe en volute blanchissante. Puis, c'est sur la hauteur nue des dunes, une pauvre chapelle, pareille à une grange abandonnée, Notre-Dame du Bon Voyage, pèlerinage fréquenté des marins. Puis Plogoff et ses masures croupissant dans la saleté et la vermine, ses champs sombres et tristes, où le paysan lutte désespérément avec la lande et la pierre. Enfin, voici la pointe du Raz. Que de fois, couché sur ces rochers qui plongent dans la mer, sur ces rochers déchirés, calcinés, entaillés sinistrement, creusés en gouffres mugissants et pareils à l'enfer, que de fois j'ai admiré l'admirable et poignant spectacle de cette mer verte, au vert impitoyable et cruel qu'ont parfois les yeux des femmes. Elle se déploie, immense, infinie et toujours colère, parsemée de récifs qui montrent au-dessus de l'eau leurs têtes noires frangées d'une collerette d'écume. En face, l'île de Saint et ses phares s'aperçoivent brume légère que teinte le soleil. À droite, la baie des Trépassés, dont les rocs carrés qui l'enserrent comme des murs dérobent aux yeux des veuves et des orphelins les cadavres qu'elle roule sur le sable jaune de sa grève. Et je restais là, suivant le vol des mouettes et des cormorans, les oreilles emplies du grondement des brisants, me demandant si toute cette eau n'était pas formée des larmes que cette mer a fait couler, et si, quand les phares s'allument vers la nuit et prolongent au loin leur lumière sanguinolente, ce n'était point le sang des victimes qui revient, tâche ineffaçable, pour l'accuser et la maudire. Voici ce qu'un jour Guillaume Verne, un vieux capitaine au long cours, qui en savait long sur les choses de la mer, me raconta, tandis que la vague, avec un bruit de canonnade, battait le pied de la falaise au haut de laquelle nous étions étendus sous le soleil. Jean Donnard et Pierre Kerhuon embarquaient les filets dans la chaloupe, amarrés au quai, près de la cale, qu'ensanglantaient des débris de poissons fraîchement éventrés. Tout était en mouvement dans le petit port de Saint-Guénolé. Au bruit de leurs lourds sabots, à tiges de toile bise, les marins dévalaient par groupes le dos courbé sous le poids de leurs filets. D'autres, bras dessus, sortaient des débits de boissons, chancelant et chantant. Les mousses nettoyaient les bateaux, prêts à prendre la mer. Et l'on voyait déjà quelques embarcations filer doucement sur l'eau que battaient les grands avirons, pareils à des vols de goélands lents et bas. On était au plus fort de la pêche au maquereau. « Allons, dépêchons, » dit Jean Donnard, en continuant de dévider les filets que Pierre Kerhuon disposait symétriquement au fond de la chaloupe. Mais Pierre Kerhuon s'arrêta, et sans regarder son compagnon, « Jean Donnard, » dit-il d'une voix qui tremblait un peu, « tu ferais bien de ne pas sortir aujourd'hui. Tu ferais bien. » Jean Donnard haussa ses larges épaules et ne répondit pas. « Jean Donnard, » reprit le marin, « je te dis que tu ferais bien de ne pas sortir aujourd'hui. M'entends-tu ? Je te dis que tu ferais bien. » Donnard regarda le ciel au-dessus de lui, puis là-bas la mer qui par-delà une mince bande de terre